Ouais, alors Sylvie, tranquille la soirée ou quoi? Pépère, t'as aimé ou quoi? Ouais, c'était bien, il y avait de la bonne musique. Le DJ l'a assuré. Mais il a assuré grave. Ouais, ouais grave. C'est tranquille. Hein. Ah putain, encore eux. J'ai même pas mis papier sur moi, putain, ils vont me serrer encore ces putains de flics. Bonsoir monsieur, simple contrôle d'identité. Auriez-vous l'obligeance de me présenter vos papiers s'il vous plaît? Ouais, bon, attends, là je vais t'expliquer un truc, c'est que en fait je sors de chez moi. Hop, de boîte tu là. Tu me tutoies pas s'il te plaît, tu me tutoies pas. Mais arrête, tes papiers, tes papiers, tu me tutoies pas. T'explique, laisse-moi t'expliquer. On n'a pas élevé les cochons ensemble, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, il est 6h30, nous on a d'autres chats à fouetter. Arrêtez-vous contre le capot. Allez, donne-moi les mélottes, allez, Sylvie, je te rappelle, Sylvie, je te rappelle. Allez, on y va.